Salut, salut, salut, Lost in Space, comme tous les dimanches, votre rendez-vous rock punk musique expérimentale. Aujourd'hui, le fil rouge de cette nouvelle émission, c'est JC Satan. C'est ce groupe que vous avez peut-être eu la chance de voir ces dernières années dans la région, groupe bordelais, un peu, on va dire, un peu bruitiste, un peu rock français, et qui est chez Band Bad, et dont un album vient de sortir d'un de ses membres, Arthur Satan. Et donc, c'est eux qui vont faire notre fil rouge ce soir, donc avec pas mal de rock français et de choses du même genre. Allez, c'est parti. Thank you. GTO, wear a uniform, a lot of government loan. I'm worth a million in prizes. Yeah, I'm through with sleeping on the sidewalk. No more beating my brains. No more beating my brains. With liquor and drugs. With liquor and drugs. Well, I'm just a modern guy. Of course I had it in my ear before. Could have lost for long. Could have lost for long. I got lost for long. Got lost for long. Oh, I lost for long. Peut-être était-ce après tout ce que j'avais voulu faire, et selon les témoins, c'est sans doute l'acte que j'aurais commis si 6 personnes résolues ne s'étaient alliées pour me maîtriser. En vérité, hormis ce que l'on m'a raconté, je ne garde en mémoire que quelques images concernant l'incident lui-même, mon esprit semblant avoir opéré un choix sélectif avant mon réveil dans la salle de l'unité des urgences. Come get it, come. 14h30, bureau de France 2. L'équipe de Paris arrive de Douai. Ils ont fait quelques vagues images d'inondations. L'eau a baissé depuis la veille. Il faut aller ailleurs. La Voix du Nord parle d'inondations dans la région de Béthune. La journaliste contacte les pompiers de la ville qui confirment l'information. Départ de l'équipe vers 15h. CH, quant à lui, monte un sujet sur tapis à partir de reportages d'archives. Yeah. m'étonne, je flotte avec la folie. Tendance au maquillage, le corps entier s'y adonne, glisser vers une double vie. La solution ultime de mon visage diaphane, le monde image s'efface. Tendance au maquillage, une bouche filigrane qui ne laisse plus aucune trace. La solution se noie dans le blanc des yeux. Tendance au maquillage, un regard désabusé qui cache l'écran ténébreux. La solution ultime, un doute de déraison, un désir peu banal. Tendance au maquillage, un sourire de dérision, un tour à la normale. La solution ultime. Évidemment, je pense au mambo, au cha-cha, qui ont été véritablement, qui ont envahi le monde à une certaine époque, dans les années 30-40. Je pense aussi, évidemment, au reggae, au dub, qui a préfiguré un petit peu certaines des innovations des musiques électroniques, au hip-hop, qui, quoi qu'on dise, a été emmené à New York par un Jamaïcain, DJ Kool-Herc. Bref, ça, c'est des questions qui nous taraudent depuis pas mal de temps. Like yell his name 9 times.

avez assez en vous-même. Disons que j'en ai assez, et un peu plus qu'assez. Je n'en suis pas étonné. De combien d'heures de sommeil avez-vous besoin par nuit? Merci de votre intérêt. Tout m'intéresse. Moi, je n'ai besoin que de 4 heures de sommeil. Vous vous réveillez quand il fait noir? D'habitude, non. Vous savez, je me mets au lit très tard. Ah, vous faites des excursions la nuit? Ah oui, je suis agitée la nuit. Jusqu'aux os. Fixe électrique. Alors, je reviens sur le mépris des gens. Parce qu'on est sans papier, on ne vaut plus rien. Pourtant, ce n'est pas ça ce qu'on apprend. Alors, comme vous avez dit, on dirait que les exactions de l'époque coloniale se sont transportées ici. Et nous, les fils ou les petits-fils des anciens colonisés, nous venons encore subir ce que nos parents ont subi dans le temps sous l'impulsion des colonialistes. I wanna see you on another day. your baby. You are truly fascinating. Give me a taste of your honey. Give me a taste. Give me a taste. Give me a taste. Maintenant, c'est là où vraiment il faut poser le problème par rapport à l'application de la loi et par rapport à ce que devrait être une administration quand même fiable, qui ne peut être fiable que par le travail de ses agents. Il y a aussi... Est-ce que quelque chose a été fait? Ou pourquoi cette impression de malveillance générale? Mardi 21 décembre, 12h15, bureau de France 2 à Lille. CH n'a qu'une petite demi-heure pour monter le sujet. J'appelle en vain un numéro que m'a transmis le documentaliste de France 3. Je cherche à avoir un peu plus d'informations sur l'étendue des inondations. Ça ne répond pas. CH se contentera des dépêches AFP. Le 13h de France 2 ouvre avec le déraillement du TGV. Les sujets sur les inondations passent en second. Idem sur TF1. I travel from Maine. Je suis le barman. Oui, je l'avais remarqué. Pourquoi ne cherchez-vous pas une occupation moins renfermée? Mais si. Je vous en prie. Vous voyez ce que je fais? Je sors de mon sac un miroir. Pourquoi me regardez-vous fixement? J'aime voir ce qui se passe au-delà de mon cercle de lumière. Excusez-moi. Don't La pensée est la plus haute vertu, et la sagesse consiste à dire des choses vraies et à agir selon la nature en écoutant sa voix. C'est la maladie qui rend la santé agréable, le mal qui engendre le bien, c'est la faim qui fait désirer la satiété, et la fatigue, le repos. Me. for me. La nature aime à se dérober à nos yeux. Stay another day. I'm older, getting along with my future. Old man singing a song about Jesus. And I run home, I don't just so now. Old man, it's my daughter. I'm not stupid, just the end of my profile. I'm alright. Le plus bel arrangement est semblable à un tas d'ordures rassemblées au hasard. We'll be right back. I'm tout à fait. Donc, il y a plusieurs décisions du gouvernement de 2011 qui ne sont pas respectées, notamment celle de l'offre commerciale, qui demandait à ce que qui a donné l'autorisation pour la construction et l'exploitation du centre commercial à condition que les commerces qui seraient présents seraient complémentaires et non concurrents à l'offre existante. Mais alors, il faut m'expliquer en quoi un Zara chez Doc est complémentaire d'un Zara Villeneuve. Et donc, effectivement, que Claire et Net, ils seront concurrents.